Tu as un rêve, dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. En vrai c'est quoi le bonheur? Pour moi c'est qu'une chimère. La vie fait que baiser, je devrais lui dire si mère. Pourquoi être un gars bien car au final on s'y perd. Faut juste niquer tes mères comme brouteur dans un cyber. Encore d'humeur bousillée, je viens m'auto-fusiller. Je m'en prends pas aux autres, c'est ma branche que je suis venu scier. La froideur de l'acier croise la chaleur de la poudre. Frérot j'en ai assez donc je viens faire parler la foudre. Mais le bonheur c'est quoi? Par ignorer les problèmes. On croit que nos vies sont pleines alors qu'on accumule nos peines. On rêve d'avoir une reine avec nos salaires d'ouvriers. Que du sale dans nos veines, mais ça nous permet d'oublier. On fait que roupiller en attendant des jours meilleurs. Guidé par nos frayeurs, on boit pas de la cour meilleure. Locataire en HLM et parfois mauvais payeur. Et y'a que dans ma fatigue que je peux être un bailleur. Pas besoin de l'hosto, je suis anesthésié par la vie. Moi aussi je vois le bonheur, mais seulement par la vitre. Je suis rempli par le vide, dans mon cœur y'a de l'écho. Plein de regrets dans le bide, il va me falloir un gynéco. En vrai, c'est quoi le bonheur? Pour moi, c'est qu'une chimère. La vie fait que baiser, je devrais lui dire si mère. Pourquoi être un gars bien? Car au final on s'y perd. Faut juste niquer tes mères comme brouteur dans un cyber. Ce chapitre de ma vie, ce tout petit chapitre, je l'ai appelé le bonheur. Le bonheur on s'y perd car c'est juste un labyrinthe. Alors on noie nos vies dans le rhum, un peu à la pirate. Quand tu veux vesquer un vice, au final t'en attires un. Peu importe qui fait la passe, c'est Colomani qui rate. C'est les meilleurs qui partent sans qu'on leur ait fait la bise. T'as beau tirer les cartes, sache que le destin nous l'a mise. On a sombré dans la tise parce qu'on manque de liquide. Et dans nos regards livides, c'est les jugements que l'on évite. On veut avoir et vite, étranger à la patience. Tout le monde donne son avis, chacun ramène sa science. Mais à chacun sa vie et à chacun sa chance. On a besoin d'amis, pas d'une femme pour une alliance. On découvre le bonheur quand on devient fidèle. L'herbe est plus verte ailleurs et moi l'herbe ça me libère. J'ai fait ce que j'ai pu mais on ne passera pas l'hiver. Et je sais bien qu'au fond je l'aime quand j'ai envie d'elle. En vrai c'est quoi le bonheur? Pour moi c'est qu'une chimère. La vie fait que me baiser, je devrais lui dire si mère. Pourquoi être un gars bien car au final on s'y perd. Faut juste niquer tes mères comme brouteur dans un cyber.